C'est la course contre la montre et il y aura qu'un seul vainqueur. Mon but c'est faire briller mon équipe comme Arsène Wenger. Cette vie m'énerve mais bon, je vise le top, je suis visionnaire négro. Toi tu fais diable sur tes fausses herbes macro. Putain de merde, il serait temps qu'on s'enrichisse fier de mes origines, moi je veux au charbon sans chichi. Toujours les mêmes qui en chient. Les miens sont témoins, serre les poings lorsqu'on échoue. Des gros bâtards se frottent les mains. Comme dit R2, c'est la crime, la crise dans la matrix. Moi j'avance pour la patrie et parfois tout cela m'attriste. La chance comme le pif, plus ça va et plus ça vient. On rêve d'avoir les poches remplies, mais on n'est pas les plus à pleuvre. J'prône le respect, j'ai pas besoin de mentir pour vendre. Pour tous mes chiens de la casse, réserve quelques bouts de viande. Parce que ma gauche faiblit, t'inquiète, ma droite prend le relais. J'en ai personne, moi tu verras, jamais la base me prendre relais. Ça se fait coller dans le pif. On fait bouger les frères, la trop de faux auditeurs. J'm'occupe de toucher les vrais. Chez nous, c'est la franchise. On met devant qui t'en désespoir. Mon destin me fait attendre. J'en crois qu'ils sont censés. Super, ça fait qu'on est dans le pif. Et qu'on fait bouger les frères. Y'a trop de faux auditeurs. J'm'occupe de toucher les vrais. Chez nous, c'est la franchise. On met devant qui t'en désespoir. Mon destin me fait attendre. J'veux pas croire qu'ils sont censés. On est comme sur un fil, essaie de regarder l'équilibre. Pour remplir ses fous, il faut d'abord péter les tirelires. On circule dans la brume, pas évident de regarder devant soi. Défends ta part de cadeau, ton affaire dépend de ça, y'a pas de cadeau. On se fait tout seul parmi les adultes. Je suis pauvre, il est riche, il veut me faire admirer sa thune. J'ai pas la gueule de l'emploi, c'est que son bac pro commerce. Ça rime avec commerce, allez tous niquer vos. C'est l'avenir, on l'imagine tous à notre manière. Les petits sont pleins d'espoir, ils veulent être comme des stars aux manettes. Ma couille, c'est plombasse, fumette, alcool et magouille. Bagouze à chaque doigt, fait semblant qu'on est pas cool, tu connais. Faudrait pas faire les frais d'une colère. Ça commence à 12 ans, bagarre devant la grille du collège. Va leur faire comprendre, vivre avec la peur c'est dur. Ils voient plus d'avenir dans le bis qu'ils en trouvent dans leurs études.